ne les perdent presque aussitôt les avoir obtenus. Histoire. Dans les années Qing Te, 2506 à 1522, Yong Peiyuan, fils de Yong Zhou, ancien juge de l'arrondissement de Tingcheou, était président du tribunal de la magistrature. Il y avait un homme nommé Qiu, du même arrondissement, dont les inspecteurs devaient appuyer l'élection. Ayant appris que Peiyuan élevait à grands frais un tombeau en pierre à Yongzhou, et se proposait de lui faire graver une épitaphe sur une table de pierre, il composa une inscription dans l'intention de l'offrir à Peiyuan. Il espérait que cet artifice serait pour lui un puissant moyen d'avancement. Mais, le soir du jour même où il entra dans la capitale, il mourut subitement avant d'avoir offert son inscription. Il arriva, par hasard, qu'un homme éché, qui était du même pays que lui, se trouvait à Pékin en attendant son élection. Ayant appris cette circonstance, il acheta l'épitaphe à moitié prix, et alla la présenter à Peiyuan, qui fut transporté de joie et lui promit une charge élevée. Quelque temps après, Peiyuan fut obligé de quitter sa charge, et le second ministre fut chargé de présider aux élections. Xie obtint seulement l'emploi de greffier d'un tribunal dans la province de Yunnan. Ainsi frustré dans ses espérances, il s'en retourna avec la tristesse et le découragement dans l'âme. Ainsi qu'il avait employé la ruse et la fraude pour parvenir à une charge élevée, mais le destin ne lui permit pas de l'obtenir. Xie avait eu aussi recours à la ruse et à la fraude dans une intention semblable, mais, suivant la décision du destin, il ne put obtenir qu'un emploi obscur. À quoi bon employer la ruse et la fraude? Il arrive, dans le monde, une foule d'affaires analogues à celle-ci. L'exemple que nous venons de citer ne s'adresse pas seulement à ceux qui demandent des charges et des magistratures. Décerner des récompenses et des peines dans une proportion injuste. Commentaire. Nous avons vu plus au champ qui fait yin qui vous coûte. C'est récompenser ceux qu'on ne doit pas récompenser, et punir ceux qu'on ne doit pas punir. Dans ces deux cas, les récompenses et les peines sont déplacées. Le passage que nous expliquons ici s'adresse à ceux qui décernent des récompenses ou des peines qui ne sont point proportionnées au mérite ou au crime. Par exemple, lorsque deux hommes doivent recevoir une récompense égale, donner beaucoup à l'un et peu à l'autre, lorsqu'ils doivent être punis de la même manière, infliger une peine rigoureuse à l'un et une peine légère à l'autre. Cette inégalité coupable vient toujours de ce qu'on se laisse aller à l'amour ou à la haine pour obéir à ses caprices ou flatter ses propres intérêts. Une telle conduite ne manque jamais de nous attirer les reproches ou la haine des hommes. Voici ce que disait Xie Wusong, surnommé Kongming, qui vivait sous la dynastie des Qin. Vous devez récompenser même vos ennemis, s'ils montrent une droiture irréprochable et cherchent le bien de leur siècle. Vous devez punir même vos parents, s'ils violent les lois et négligent leurs devoirs. Vous devez mettre en liberté ceux qui font l'entier aveu d'un crime grave et en témoignent un profond repentir. Vous devez condamner à mort ceux qui ont commis un léger crime et cherchent à le pallier par des excuses spécieuses. Voilà le moyen de dispenser, dans une juste proportion, les récompenses et les châtiments. S'abandonner sans mesure aux aises et aux jouissances de la vie. Commentaire. L'expression ilo signifie s'abandonner au repos et au plaisir. Les mots kuo-tsie veulent dire passer la mesure, outre mesure, avec excès. Les hommes qui se livrent avec excès aux jouissances de la vie, diminuent la durée de leurs jours, et s'attirent toutes sortes de malheurs. Chao Tse-shan disait, « Vous n'arriverez jamais à un âge avancé si vous jouissez d'avance du bonheur réservé à la vieillesse. Vous n'arriverez jamais aux honneurs, Si vous jouissez avant le temps prescrit du bonheur attaché à leur possession, celui qui se trouve dans une heureuse situation et qui n'est pas pénétré à chaque instant d'un sentiment de crainte s'abandonne à ses passions et viole les lois de l'État. Il lui est très facile de faire le mal et très difficile de faire le bien. Histoire ayée avec deux étudiants qui étaient nés la même année, le même mois, le même jour, et à la même heure, et de plus ils avaient obtenu la même année le grade de docteur. Quelque temps après, l'un d'eux fut nommé intendant littéraire de Ngocheou, et l'autre intendant littéraire de Huangcheou. Mais bientôt l'intendant littéraire de Huangcheou vint à mourir, et l'intendant littéraire de Ngocheou présida à ses funérailles. Il fit cette prière devant le cercueil de son ami. Vous étiez né la même année, le même mois, le même jour, et à la même heure que moi. De plus, le même pays nous avait donné le jour. Entrez ensemble dans la vie, pourquoi n'en sommes-nous pas sortis ensemble? Si ma prière peut parvenir jusqu'à vous, je vous en supplie, venez me parler en songe. La nuit suivante, il eut en effet un songe, et vit l'intendant littéraire de Huangcheou, qui lui dit: j'étais né dans une famille opulente. J'ai joui de bonheur des avantages que procurent le rang et la fortune. Voilà pourquoi j'ai quitté la vie. Si vous me survivez, c'est que, né dans une condition pauvre et obscure, vous n'avez pas encore joui des avantages qui vous sont réservés. Huang Anchong, de Nanlan, disait: on ne peut prédire à personne une longue vieillesse ou une mort prématurée. L'homme meurt aussitôt qu'il a consumé le lot de bonheur qui lui était assigné, parce que la somme de nos émoluments et de nos richesses est fixée d'avance par le destin. Gardons-nous donc avec soin du luxe des habits et des excès de la table. Par exemple, si un homme a 1000 tiens, 100 onces d'argent, et qu'il les dépense en un jour, il n'aura pas un denier pour le lendemain. S'il en dépense 100 en un jour, il pourra vivre pendant 10 jours. S'il en dépense 50 en un jour, il pourra vivre pendant 20 jours. On dit communément, en ménageant son bonheur, on prolonge la durée de sa vie. Cet axiome explique fidèlement notre pensée. Recherchez minutieusement les fautes de ses inférieurs et les maltraitèrent. Commentaire. Le mot 1 signifie rechercher à fond, rechercher minutieusement, b. Chercher une à une les fautes des hommes, et ne pouvoir pardonner même les plus légères. Le mot nyo 2 veut dire maltraiter, traiter durement. Par exemple, frapper quelqu'un avec cruauté, l'accabler d'injures, fermer son cœur à l'indulgence et au pardon. Par les mots qu'il y a, ses inférieurs, on entend les employés, le peuple, les servantes, les soldats, et en général tous les hommes placés dans un rang obscur, et destinés à servir les autres. On lit dans le livre de Yuanxi, intitulé Shifan ou la règle du siècle: les esclaves sont naturellement bornés. Quand ils font une chose, souvent ils se trompent ou s'écartent des instructions de leur maître. Ce n'est pas tout, les uns sont naturellement oublieux. Si vous leur donnez une commission, elles s'échappent promptement de leur mémoire. Les autres sont entêtés et croient toujours avoir raison. D'autres enfin sont naturellement opiniâtres. Ils sont toujours prêts à répondre avec insolence et ne connaissent ni règles ni discipline. Toutes les fois qu'un chef de maison donne ses ordres à un domestique, et qu'il ne les exécute pas comme il faut, il doit se dire en lui-même: c'est un homme du commun, qui est naturellement borné. C'est là l'unique cause de sa faute. Le maître doit donc traiter ses domestiques avec bonté, et les instruire avec patience. Il s'épargnera, par ce moyen, toute espèce de colère et d'emportement. Quant aux servantes et aux concubines, elles sont encore plus bornées que les esclaves. Ajoutez à cela que beaucoup de femmes sont d'ordinaire opiniâtres et emportées, et qu'elles ignorent les règles de la raison et du devoir. Il faut donc être moins sévère envers elles qu'envers les hommes. Le chef de la maison doit constamment les traiter avec indulgence, les instruire de leurs devoirs, et ne jamais les frapper. Il ne faut pas souffrir non plus que vos enfants se permettent de lever la main sur elles, s'ils ont à s'en plaindre, qu'ils en préviennent le maître de la maison. Si vous désirez que vos servantes s'acquittent avec zèle de leur service, il faut veiller soigneusement à les préserver de la faim et du froid, et à ne point leur imposer de trop rudes travaux. C'est alors que vous pourrez passer pour un homme bon et humain. Histoire. À l'âge de 70 ans, Luoxi, femme de Yang Qingchai, se levait de grand matin, pendant la rigueur de l'hiver. Elle allait elle-même à la cuisine, et faisait cuire une marmite de riz, qu'elle distribuait à ses servantes, et ne leur ordonnait de se mettre à l'ouvrage, qu'après qu'elles avaient mangé. Pourquoi vous donnez-vous tant de peine? Lui demanda un jour son fils Tongshan. Mes servantes sont aussi les enfants des hommes, lui répondit-elle. Elles se lèvent de bonne heure, et sont exposées à la rigueur de la saison. Il est juste de leur réchauffer l'estomac afin qu'elles aient la force de s'acquitter de leur service. En voyant quelle tendre pitié cette femme témoignait à ses inférieurs, il est aisé de penser que ceux qui recherchent minutieusement les fautes de leurs inférieurs, et les maltraitent rudement, ne peuvent manquer d'être punis de leurs crimes. Dans l'arrondissement de Hongcheou, un inspecteur de cavalerie, nommé Wang Qianyi, éprouva dans l'estomac des douleurs cruelles. Il sentait une espèce de poids qui montait et redescendait suivant le mouvement de sa respiration. Il mourut de cette maladie, et ressuscita quelque temps après. Autrefois, dit-il à sa femme, j'avais à mon service un petit esclave. Un jour, je le maltraitais si rudement qu'il mourut presque aussitôt. Quand je fus arrivé dans l'autre monde, ce petit esclave se saisit de moi, et m'accusa devant le tribunal de l'enfer, il me fut impossible de me justifier. C'est lui qui est la cause du poids qui m'oppresse. Je n'ai pas longtemps à vivre. Comment, lui répondit sa femme, ce petit esclave a-t-il eu une pareille audace? Sur la terre, répartit Kai, il y a des nobles et des roturiers. Mais dans l'autre monde, tous les hommes sont égaux. Il mourut en effet au bout de quelque temps. Comment pourra-t-on dire maintenant que la condition abjecte des esclaves nous donne le droit de rechercher minutieusement leurs fautes, et de les maltraiter, frapper les autres de crainte et de terreur? Commentaire. Le mot Kong, un, signifie causer de la crainte. Le mot E, deux, signifie causer de l'effroi, de la terreur. Toutes les fois qu'un homme se trouve en danger, ou qu'il est plongé dans la douleur, nous devons lui parler avec bonté, l'exhorter, le consoler, afin qu'il recouvre la paix du cœur, ou bien lutter contre ses ennemis pour tâcher de le délivrer. C'est ainsi qu'on acquiert des mérites cachés. Si au contraire nous l'effrayons sans motif du geste et de la voix, pour augmenter la douleur qui l'accable, ou bien si nous le frappons de terreur, pour nous rendre redoutables à ses yeux et nous emparer de ce qu'il possède, il est probable qu'après avoir inutilement cherché un moyen de salut, il se laissera aller à un accès de désespoir, et commettra une imprudence fatale. Il se jettera dans l'eau, ou bien il se suspendra à une poutre, et périra avant l'époque manquée par le destin. Il est vrai qu'il s'est lui-même ôté la vie, mais c'est nous qui l'avons poussé à cette extrémité. Comment pourrions-nous rester impunis? Les greffiers des tribunaux, les domestiques, des magistrats, qui effraient les hommes pour en obtenir de l'argent, les juges qui les effraient à l'aide des supplices, Les hommes privés qui abusent de leur fortune et de leur autorité pour effrayer les autres ne peuvent manquer d'éprouver les plus funestes malheurs. Histoire. Un fermier nommé Chang San devait un loyer à Li Shangqing. Celui-ci ayant voulu le forcer à payer, il se pendit de désespoir. Une jeune servante de Sun Liming ayant commis une faute avec un petit domestique, il voulut absolument en connaître tous les détails. Elle se jeta dans la rivière et se noya. C'est la crainte qui a réduit le fermier et cette servante à se donner la mort. Taishang, Lao Tzu, rapporte ces deux faits dans son livre « Sur les causes des châtiments » afin qu'ils servent de leçon aux hommes. Murmurer contre le ciel et inculper les autres hommes. Commentaire. L'expression « Jujin » signifie « rejeter un crime sur un autre homme ». Si un homme est noble ou roturier, s'il reste dans la détresse ou s'il parvient aux emplois, cela vient de la volonté du destin. Si vous êtes déçu dans vos espérances, c'est que vous êtes né avec une faible portion de bonheur. Vous devez vous contenter de votre sort, vous conformer au destin, pratiquer la vertu et accumuler des bonnes œuvres. Par là vous pourrez encore ramener la fortune et passer heureusement le reste de vos jours. Quelquefois un homme est destiné à obtenir de la gloire et des honneurs. Si par hasard il commet des fautes, il détruit les bénédictions du ciel et tombe dans une profonde détresse. Il faut donc rentrer en soi-même, s'examiner avec ses vérités, se repentir de ses fautes et se tourner vers le bien. Peut-être qu'alors on échappera au malheur. Mais si, au lieu de cultiver la vertu et de s'examiner avec une attention sévère, on ne fait que murmurer contre le ciel et inculper les autres hommes, on aggravera ses crimes et on appellera promptement le malheur sur sa tête. Histoire. Wu Gang s'était plusieurs fois présenté sans succès à l'examen de licence. Il se livrait aux excès du vin et vomissait des injures contre le ciel. Un jour qu'il était sorti pour se promener, il aperçut tout à coup une feuille de papier noir que le vent avait apportée à ses pieds. Il la ramassa et vit de l'écriture du maître du ciel, tracée avec de l'encre jaune, en caractère chouan. Elle contenait de sévères reproches adressés à Wu Gang, qui connaissait l'écriture chouan. Quand il eut fini de lire, il s'écria : « Ce langage est le comble de la folie. » À ces mots, il déchira le papier et le jeta par terre. Mais tout à coup des nuages s'élevèrent, le tonnerre gronda, et Wu Gang fut renversé avec son cheval. Il venait d'être frappé de la foudre. Un homme de Qingmen, nommé Yang Taitong, avait l'habitude de boire, de jouer, et de se livrer à tous les excès de la débauche. Ayant dissipé sa fortune, il se trouva privé de toute ressource, et tomba dans une affreuse misère. À chaque instant du jour, il accusait le ciel d'injustice, et faisait éclater sa haine contre ses parents, parce qu'il ne lui portait plus aucun intérêt. Un jour il rencontra un jeune homme qui lui dit « Si vous désirez obtenir des richesses et des honneurs, suivez-moi, je vais vous mener dans un lieu où vous aurez tout à souhait. » Taitong arriva dans une grande maison, mais tout à coup son conducteur disparut. Il voulut sortir, et ne trouva plus aucune issue. Il entendit plusieurs hommes qui criaient à haute voix de saisir ce brigand. Ils le traînèrent, en l'accablant de coups, devant le tribunal. Taitong se trouva alors dans la grande maison où il était entré au milieu de la nuit, et n'ayant pu se justifier, il fut condamné à mort. Laissé échapper des malédictions et des injures contre le vent et la pluie. Commentaire. Le mot « un » signifie « gronder, gourmander ». Il y a des génies particuliers qui président au vent, à la pluie, au tonnerre et aux éclairs, et qui les envoient aux hommes. Le Sekhi dit en parlant de Confucius, s'il entendait le vent, le tonnerre ou la pluie, il changeait de contenance. Si c'était au milieu de la nuit, il se levait, mettait ses habits et son bonnet, et restait assis dans une attitude respectueuse, parce qu'il craignait la colère du ciel. Aujourd'hui le peuple montre un déplorable aveuglement. S'il tombe beaucoup d'eau, il se plaint de l'abondance des pluies. Si le ciel est longtemps serein, il se plaint de la sécheresse. Si le vent souffle avec violence, il se plaint des tempêtes. Il ignore que les perturbations qu'éprouvent les deux principes yin et yang viennent tantôt de ce qu'un magistrat supérieur s'est montré dur et inhumain, tantôt de ce que les habitants d'un pays se sont abandonnés au crime. Voilà ce qui dérange les époques du vent et de la pluie. Si donc nous osons laisser échapper des malédictions et des injures contre le vent et la pluie, nous ne faisons qu'aggraver notre désobéissance et nos crimes. Histoire. Une femme qui demeurait en dehors de la porte méridionale de Ngocheou tenait un jour dans ses mains un bassin rempli de sable aurifère qu'elle allait laver à la rivière. Comme il avait plu pendant plusieurs jours, et que les chemins étaient bourbeux et glissants, elle laissa échapper des malédictions grossières contre la pluie. Quelques instants après, elle fut frappée de la foudre. Le vent enleva le vase, et l'appliqua sur sa tête d'une manière si étroite, qu'il fut impossible de l'en détacher. Elle mourut au bout de quelques jours, après avoir montré dans sa personne un exemple frappant de la colère céleste. On voit par là qu'on ne doit jamais laisser échapper des malédictions et des injures contre le vent et la pluie. Faire naître entre les autres des querelles et des procès. Commentaire. Ce passage signifie susciter des contestations entre deux personnes, les porter à se disputer avec acharnement, ou à s'intenter un procès. Par là on cherche tantôt à s'enrichir, tantôt à satisfaire sa vengeance ou son égoïsme. On pousse les autres à consommer leur patrimoine, à ruiner leur fortune, et à commettre des crimes qui les conduisent au supplice. Une telle conduite ne manque jamais d'être sévèrement punie par le ciel. Histoire. Le père de Wen Kuangzhan n'avait pas passé un an, depuis sa jeunesse jusqu'à l'âge le plus avancé, sans se trouver engagé dans quelque procès. Kuangzhan consulta à ce sujet un bon nommé Tan Xiang. Celui-ci lui répondit. Dans sa vie précédente, votre père faisait profession de rédiger des accusations, et il aimait à susciter parmi les autres des contestations et des procès. C'est maintenant son tour. Il reçoit son châtiment dans la vie présente. Kuangzhan ayant supplié le religieux de délivrer son père, il lui répondit. Que votre père s'attache les pieds et les mains avec des bandes de papier collé, en guise de fer, et qu'il se tienne prisonnier chez lui pendant 3 jours. Qu'ensuite il fasse avec un vrai repentir la confession de ses fautes, et qu'il jure de pratiquer la vertu, il pourra alors éprouver quelque soulagement. Il y avait dans la garnison de Sucheou un homme appelé Wang Qian, dont le père avait coutume de susciter entre les autres des procès ruineux. Dans la suite, Wang Qian ayant obtenu fort jeune le grade de docteur, les habitants de Sucheou dirent tous en gémissant que la prudence du ciel était en défaut. Quand l'empereur Tian Sheng fut remonté sur le trône, Qian, après plusieurs promotions, fut nommé membre de la cour de justice. Un jour qu'il entrait dans l'appartement impérial, on le fouilla et l'on trouva sur lui une pétition destinée à empêcher quelqu'un d'obtenir de l'avancement. L'empereur donna sur le champ l'ordre de l'exterminer avec toute sa famille. On voit par là que le ciel punit, même dans la personne de leurs enfants, ceux qui se plaisent à susciter entre les autres des contestations et des procès. Si donc il a exterminé pour ce motif une famille riche et comblée d'honneur, à quoi bon se donner tant de peine pour semer la dissension parmi les autres? Mais ceux qui voient les autres disputer ou plaider ensemble, et qui font tous leurs efforts pour terminer leurs différends, sont sûrs d'être récompensés de leur conduite. Zui Wei, passant un jour devant le temple appelé Kayuansé, vit une vieille mendiante qui boitait renversée par mégarde une cruche de vin. Le marchand l'accablait de coups de bâton. Zui Wei tâcha d'apaiser sa colère, et lui dit « Combien valait cette cruche de vin ?»« Tirez qu'adratin une once d'argent, » lui répondit le cabaretier. À ces mots, Wei ôta son habit pour lui tenir compte de cette somme. La vieille mendiante s'en alla sans le remercier. Quelque temps après, il rencontra la vieille femme au milieu d'un chemin. « Grâce à vous, monsieur, » lui dit-elle, « j'ai échappé au plus grand danger, mais je n'ai pas oublié ce bienfait. Je possède un secret infaillible pour guérir les goîtres. Voici un peu d'armoise du mont Yuezing. Je vous la donne. Lorsque vous rencontrerez une personne affligée d'un goitre, vous n'aurez pas plutôt brûlé quelques brins de cette armoise sur ses tumeurs, qu'elle sera guérie sur le champ. » Quelque temps après, Zui Wei rencontra un bonze affligé d'un goitre énorme. Il suivit la recette de la vieille femme, et le guérit aussitôt. Cette cure merveilleuse lui fit une telle réputation qu'on venait de tous côtés pour invoquer les secours de son art. Il devint riche en peu de temps. Un auteur rapporte que cette vieille femme était la déesse Peaoku. On voit par cet exemple qu'on doit faire tous ses efforts pour réconcilier les personnes qui se disputent ou qui plaident les unes contre les autres. Entrer follement dans la société des méchants. Commentaire. Le mot Wang 1 s'applique aux personnes qui agissent suivant leurs caprices